On va saturer la basse, non? Putain, j'arrive. Attends, faut que je vois le niveau de ma basse. Ça va la basse? Mon super accent. Rock you like. Je cherche les paroles. En fait, c'est un mec sur Facebook qui a mis ce morceau, je me rappelais plus. C'est vrai que c'était bien. Tu connais ça? Here I am. Comme ça. It's still here. Shake it.